Monsieur Florent. Mais non, non, non, tu as pas baissé assez là. Il faut que t'ailles dans. Attends, comment on monte le son dans ce bordel? Tu passes par quoi là, s'il te plaît? Tu passes par un pod ou tu passes en direct? Déjà. Est-ce que tu m'entends? À savoir qu'il y a une latence. Et que mon son arrive 32 bips après. Ok, t'es en report. Alors, si t'es en report. T'es sur un ampli qui passe dans ton PC. Ok. Alors, attends, je me rappelle. Là, ça va. Impeccable. Enfin, tu peux baisser peut-être encore un petit peu. Je ne sais pas où tu aller. Un tout petit peu, parce que là, tu sors. Hein. Vas-y, joue. Surtout. Mais on s'en fout, toi, tu n'as pas à attendre. Est-ce que tu portes un casque? Didi, you are solo playing. Put on your stereo. Monsieur Florent, est-ce que tu portes un casque? Ok, donc c'est très bien. Alors, welcome to the jungle. Est-ce que tu nous entends, enfin, est-ce que tu entends tous les autres jouer quand tu... Ok, donc ça c'est très bien. Il a dit oui. Il paraît que s'il dit 3 fois oui, c'est bon, c'est gagné. Attends, si je... Mickaël, si je repars avec mon fou rire de tout à l'heure avec le micro, tu vas pas te sortir de l'auberge. T'es con toi. En fait, tu vois sur la liste de tous les clients dans la salle. Oui. Mickaël, arrête une partout. Didi. Commencer, hein. Vas-y, envoie, Flo. Et une chose, Flo. Tu vois, là, on est sur 32 mesures. Et il faut que tu commences à 1, parce qu'il y a toujours la latence du nombre de mesures. C'est-à-dire que quand toi, tu commences à 1, non, l'entend à 32. Donc, il faut bien que tu te cales, sinon tout le monde est décalé. Allez, je quitte le micro, je me remets à ma babasse. Thank you.